L'esprit de l'homme sera au profit de son intelligence lorsqu'il aura compris que la panique psychologique, que la panique de l'ego dans la vie bloque cet esprit. Lorsque l'homme panique dans la vie, il prend des décisions qui vont à l'encontre de son esprit. Il exerce son libre arbitre, c'est-à-dire que il met de l'émotion dans sa pensée et perd le contact avec lui-même. Pour que l'esprit soit au profit de l'intelligence humaine, il faut que l'homme réalise que les lois de l'esprit sont des lois d'énergie et non pas le résultat d'un processus psychologique. Un homme qui a de l'esprit découvrira toujours que ce dernier lui vient en aide au moment même où il semble avoir perdu ses moyens. À partir du moment où l'homme comprendra ceci, il cessera de paniquer dans la vie. Il cessera de perdre ce contact subtil et ténu, mais très réel, entre lui-même et l'esprit, et il commencera à travailler avec les forces de l'invisible. Tant que l'homme n'aura pas compris ceci, il travaillera avec les forces astrales. Il sera soumis à l'astralisation de son mental et perdra beaucoup de force, beaucoup d'énergie et attristera son existence. Le phénomène de l'esprit dans l'homme est un phénomène nouveau et l'homme ne sait pas encore parfaitement comment traiter avec ce phénomène. L'homme peut très bien comprendre le phénomène de l'esprit, en accepter la réalité, mais il est encore très loin de pouvoir en vivre la réalisation, c'est-à-dire de pouvoir s'exécuter sur le plan matériel en fonction des lois de l'invisible. L'homme qui se conscientise aime à parler de l'esprit. Il aime à parler de l'invisible, il aime à parler de l'occulte de la vie, mais il n'est pas toujours prêt à pouvoir vivre son rapport avec l'esprit d'une façon totale, d'une façon inséparable de sa réalité. Il lui est encore très facile de succomber à la panique psychologique lorsque les choses ne vont pas comme il le voudrait, lorsque les choses ne tournent pas rond. Et avant que l'esprit puisse supporter l'homme dans son intelligence de façon totale, avant que l'esprit puisse enrichir la vie de l'homme, il faut que ce dernier apprenne à le vivre, à le supporter et à être pénétré par lui afin d'en intégrer l'énergie pour éventuellement en avoir ou en posséder le pouvoir sur le plan matériel. L'homme nouveau ne sera pas donné avec facilité l'accès à la lumière de son esprit. Il ne sera pas donné avec facilité ce pouvoir de la lumière à travers ses activités sur le plan matériel. Ceci est sûr, ceci est certain. Pourquoi? Parce que la descente de l'esprit dans la matière ne représente pas simplement un mouvement occulte dans la vie de l'homme, de l'individu. Mais il représente aussi un mouvement occulte dans la vie de la Terre, dans la conscience de la Terre. L'évolution future des rapports entre l'esprit et l'homme, ou des rapports entre l'invisible et l'homme, est une évolution de transformation de la conscience de la Terre. Lorsque nous parlons de l'aide qu'apporte ou que peut apporter l'esprit à l'intelligence humaine, Nous voulons parler de l'évolution de l'humanité. Nous voulons parler de l'évolution de l'individu. Nous voulons parler d'un processus cosmique qui prend naissance aujourd'hui sur notre planète et qui aura des conséquences profondes dans l'évolution de la Terre. Donc, l'homme qui aujourd'hui commence à prendre conscience de l'esprit doit petit à petit s'habituer à la pénétration de son énergie, mais à une pénétration qui ne convient pas nécessairement à la façon dont l'homme voudrait que cette pénétration se fasse. L'homme veut très bien que l'esprit lui vienne en aide. L'homme veut très bien que l'esprit lui donne cette voyance extraordinaire de l'avenir. L'homme veut très bien que l'esprit l'aide à devenir sur la terre créatif, à établir une nouvelle fondation. Mais l'homme n'est pas toujours prêt à vivre la relation étroite entre l'esprit et l'ego. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas atteindre un niveau de foi universelle à partir d'un corps de désir spirituel ou d'un corps de désir qui le met en contact avec une notion ou des notions occultes de l'invisible. Pour que l'homme en arrive à vivre et à bénéficier de ce contact avec l'esprit, pour qu'il puisse sentir cette présence qui ne s'efface jamais, cette présence qui est toujours là, prête à le supporter, il faut qu'il puisse lui-même intégrer l'énergie de l'esprit à travers les événements qui ne correspondent pas toujours à ce qu'il voudrait qu'il soit. Ceci fait partie du contrat entre l'invisible et la matière. Ceci fait partie de l'épuration de l'ego. Ceci fait partie de la loi de l'énergie, de la loi du pouvoir, de la loi de l'intégration dans la fusion. L'esprit ne peut pas donner à l'homme inconscient ou coloré ou voilé ou astralisé une partie de lui-même, c'est-à-dire son pouvoir. Parce que l'esprit connaît les faiblesses de l'homme, il connaît jusqu'à quel point l'homme peut contrarier son évolution, il connaît jusqu'à quel point l'homme est faible. Et pour qu'il puisse se donner à l'homme de façon franche, c'est-à-dire le supporter dans son intelligence, il faudra que l'homme, au cours de l'évolution, parcourt un chemin difficile à travers lequel il apprendra à intégrer l'esprit, à intégrer son énergie, pour en arriver éventuellement à bénéficier d'une foi universelle, c'est-à-dire d'une capacité intégrale de ne jamais pouvoir plier sous le poids de l'astralisation de son mental face aux événements qui constituent le test ultime de sa conscience face à l'infinité. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre n'est pas ce que l'homme croit aujourd'hui. Elle représente une réorganisation psychique de son moi. Elle représente une réévaluation intégrale de sa relation avec l'invisible. Elle représente aussi une capacité intégrale chez l'homme de supporter le temps d'une façon qui convient parfaitement à l'esprit, sans pour cela que l'homme puisse éventuellement perdre la confiance absolue qu'il a dans sa relation avec lui. Voilà ce que représente la foi universelle de l'homme nouveau. Voilà ce que représente cette foi intelligente, c'est-à-dire cette capacité mentale de supporter le temps de l'énergie utilisée par l'esprit pour la transformation de ses corps et éventuellement la descente dans la matière d'une énergie cosmique sur le plan matériel. Il y a une très grande distance chez l'homme entre vouloir et le pouvoir. Tous les hommes veulent. Évidemment, l'homme qui se conscientise veut beaucoup. Mais de là à passer du stage du vouloir au stage du pouvoir, il y a une distance qui doit être franchie et jamais l'esprit ne donnera à l'homme la totalité de sa présence si l'homme n'est pas capable de voir et de sentir la distance qui existe entre le vouloir et le pouvoir. L'homme doit réaliser cette distance, il doit diminuer cette distance. Il doit en arriver éventuellement à établir une relation étroite entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et ce qu'il peut deviendra la manifestation de l'aide qu'apporte l'esprit à son intelligence. Ce qu'il veut deviendra une manifestation de ce que l'ego a de besoin face et en rapport avec les événements de la vie. Et lorsque ces deux aspects se rencontreront, le vouloir de l'homme deviendra le pouvoir de l'homme et la conscience supramentale deviendra exécutante de son patrimoine occulte, psychique, universel. La descente de l'esprit dans la matière n'est pas simplement un mouvement occulte de la conscience humaine. Elle représente aussi un mouvement cosmique de l'esprit à travers la matière de l'homme. Donc, elle représente un nouvel âge dans l'évolution de l'humanité. Elle représente aussi le remplacement de la présence universelle de l'homme sur la Terre, c'est-à-dire de l'agrandissement de la vision humaine en ce qui concerne les lois mécaniques de l'inconscience, en ce qui concerne les lois mécaniques de l'événement planétaire et en ce qui concerne les lois universelles qui, avec le temps, deviendront de plus en plus manifestées sur la Terre. Donc, l'homme en évolution doit réaliser que la conscience supramentale n'est pas simplement un acquis. Elle deviendra avec le temps un acquis, mais aujourd'hui, elle représente un processus transformationnel qu'il doit être capable de supporter sans paniquer lorsque les événements de la vie ne coïncident pas parfaitement avec ce qu'il voudrait qu'il soit. Si l'homme n'est pas capable d'atteindre ce niveau de conscience mentale supérieure, où l'astral est sans puissance et où il est capable en tant qu'ego de supporter sa propre lumière, l'homme ne sera jamais donné le pouvoir de l'esprit, il ne lui sera jamais donné sur la terre d'être parfaitement libre dans sa créativité et il devra constamment vivre avec des embûches parce que l'esprit est une quantité d'énergie qui ne se partage pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être aucunement astralisé. La lumière de l'esprit est parfaite et l'homme doit acquérir une capacité intégrale d'en canaliser l'essence. L'homme doit en acquérir une capacité intégrale d'en vivre la réalité. Et il est là le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme ne peut pas être simplement le produit d'une alliance occulte avec l'esprit. Le pouvoir de l'homme ne peut être que le produit d'une intégration de l'esprit dans son mental, c'est-à-dire le résultat d'une capacité intégrale de ne pas plier, de ne pas succomber à l'astralisation de son mental parce que les événements ne coïncident pas parfaitement avec ce qu'il voudrait dans un certain temps. L'esprit, c'est le pouvoir de l'homme. Sa lumière, c'est sa clarté, c'est son intelligence. Et l'homme, pour bénéficier de cette énergie nouvelle, devra un jour apprendre à reconnaître jusqu'à quel point il est faible devant l'obstacle des événements qui ne coïncident pas avec ce qu'il voudrait. Tant que l'homme ne sera pas capable de supporter la tension des événements, il ne sera pas capable de bénéficier du mouvement de l'esprit à travers son mental, et ce qu'il connaîtra de l'esprit dans le mental ne représentera qu'un aspect occulte de sa conscience. Et l'homme nouveau devra aller au-delà de l'aspect purement occulte de la conscience, qui représente un aspect astral de sa conscience universelle. L'homme devra un jour en arriver à faire éclater même l'aspect astral universel de sa conscience, pour éliminer de son âme la totalité des imperfections qui constituent la totalité de ses expériences au cours des âges passés, autant sur Terre que dans d'autres systèmes galactiques. Donc, l'évolution de l'esprit à travers l'homme représentera l'évolution de l'homme à travers la Terre. L'évolution de l'esprit à travers l'homme représentera l'évolution de l'homme à travers la matière. Et c'est dans ce cadre que l'esprit travaille. C'est dans ce cadre que l'esprit travaillera au cours des siècles. C'est dans ce cadre que l'esprit amènera sur la Terre la puissante vibration de son feu cosmique. Il est inutile pour l'homme aujourd'hui qui se conscientise de croire que l'évolution de sa conscience repose simplement sur une capacité plus ou moins évoluée d'absorber des connaissances occultes de l'invisible. Le lien entre l'esprit et l'homme va beaucoup plus loin que ceci. Il va jusqu'à l'intégration de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au point où la fusion de l'homme doit atteindre son niveau maximal sur le plan matériel, dans ce sens que l'homme doit être amené par le feu de son esprit à pouvoir raccorder la totalité de ses éléments planétaires à la qualité cosmique de son mental supérieur qui est représenté sur le plan mental par la présence de son esprit. Donc, dans la mesure où l'homme nouveau entrera en contact avec son potentiel créatif, il sera obligé de vivre la présence de l'esprit à travers les événements qui ne constitueront pas pour lui tout de suite la valeur maximale qu'il voudrait qu'ils aient afin qu'ils puissent, sur le plan matériel, se manifester d'une façon créative. Le pouvoir créatif de l'esprit à travers l'ego est un pouvoir qui fait partie de la domination des forces cosmiques sur la Terre. Il ne fait pas simplement partie du plaisir occulte ou spirituel de l'homme qui cherche à se donner sur le plan matériel une place sous le soleil, une place occulte sous le soleil, une place qui lui donne égoïquement une vertu quelconque. Il est évident qu'au cours de l'évolution, la nature humaine sera profondément transformée et elle sera transformée à travers les événements qui, sur la Terre aujourd'hui, constituent les obstacles essentiel à la transformation de sa conscience. Il est évident que viendra le point où l'homme et les événements coïncideront ensemble, c'est-à-dire il viendra le point où l'homme sentira que sa créativité est légale à la présence de son esprit dans son mental. Mais ceci ne viendra que dans la mesure où l'homme aura été capable d'absorber la dose d'énergie qui lui sied bien, c'est-à-dire qui lui est amenée par l'esprit dans la rencontre cosmique et planétaire d'une conscience universalisée, d'une conscience rendue identique sur les plans supérieurs de la vie comme sur les plans inférieurs de l'expérience. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre prendra un tournant de plus en plus subtil au fur et à mesure où l'homme deviendra de plus en plus rapproché de ce feu cosmique. L'évolution de cette conscience se rapportera de plus en plus à la capacité intégrale de l'homme de s'informer instantanément de la présence de l'esprit dans son mental et de s'éloigner de plus en plus des mouvements aléatoires de sa conscience planétaire, subjuguée à l'astralisation du mental inférieur à cause de sa mémoire et de son impotence temporaire. L'évolution de la conscience supramentale fait partie de la réorganisation psychique du moi. Donc, ceci demandera avec l'évolution de l'homme que sa capacité mentale d'intégrer l'énergie soit conversante avec sa capacité mentale de supporter l'énergie. Et dans la mesure où l'homme sera capable de supporter l'énergie, il l'intégrera, et c'est de cette intégration qu'il pourra bénéficier, dans ce sens que c'est de cette intégration qu'il pourra sentir le pouvoir de l'esprit en lui, qu'il pourra sentir la présence de l'esprit en lui et le support que cet esprit veut lui apporter à travers un canal mental parfaitement développé, à travers un mental qui n'est plus assujettissable à une conflagration psychologique du moi lorsque les événements ne tournent plus rond ou ne tournent pas rond ou ne semblent plus tourner rond. L'homme apprendra à travers cette intégration à voir le jeu de l'esprit. Il apprendra à voir la subtilité de l'esprit et il verra que l'esprit est très présent, toujours présent en lui, dans la mesure où lui, en tant qu'ego, ne fait pas interférence avec ses pensées subjectives qui colorent son énergie et qui ont tendance à le décourager lorsque le mur s'élève trop haut devant ses yeux. L'homme est un être de lumière et il doit apprendre à travailler sur le plan matériel avec sa lumière. Il ne peut pas se permettre, lorsqu'il se conscientise, de diminuer sa relation avec l'énergie. Il doit apprendre à renforcer cette relation. Et il ne peut apprendre ceci qu'à travers des événements qui ne coïncident pas toujours dans le temps présent avec ce qu'il voudrait qu'il soit. Il y a une raison pourquoi l'esprit rend à l'homme difficile la vie expérientielle nouvelle. Il y a une raison pour laquelle l'esprit ne se met pas à la disposition de l'homme avec facilité. Il y a une raison pourquoi la clairvoyance de l'homme n'est pas parfaite. Il y a une raison pourquoi l'homme ne bénéficie pas parfaitement de l'information que peut lui communiquer l'esprit. Et cette raison, elle est très simple. L'homme doit payer le prix pour devenir réel. Il doit payer le prix pour devenir maître de la vie, il doit payer le prix pour avoir sur la terre à ses côtés le bras de l'esprit, c'est-à-dire la puissance de l'esprit dans son mental. Tant que l'homme n'aura pas atteint un niveau de conscience mentale supérieur, c'est-à-dire un niveau de conscience mentale lui permettant de supporter les illusions temporaires que lui crée l'esprit, il sera incapable de bénéficier parfaitement de la présence de l'esprit et il devra continuer à évoluer, c'est-à-dire à apprendre à reconnaître les illusions égoïques afin que se situe de plus en plus en lui cette présence cosmique qui est celle de son double, qui est celle de sa contrepartie universelle. L'évolution de l'homme repose parfaitement et étroitement sur la relation entre lui-même et l'énergie de l'esprit à travers les événements. C'est à travers les événements qui ne coïncident pas avec ce qu'il veut que l'homme pourra mesurer la présence de son esprit. C'est à travers les événements qui ne coïncident pas comme il veut que l'homme pourra réaliser que l'esprit est toujours présent en lui, qu'il ne représente pas une unité ou une entité qui disparaît lorsqu'il en a de besoin, mais qui se retire lorsqu'il semble paniquer temporairement, mais qui se retire simplement pour donner à l'homme la chance de sentir son illusion, sentir son découragement qui est illusoire, sentir aussi son incapacité qui est illusoire. Pour que l'homme bénéficie du pouvoir de sa conscience créative, il doit mettre de côté l'impuissance psychologique de son moi, qui se sent impuissant lorsque des événements ne coïncident plus avec ce qu'il voudrait qu'il soit. L'homme découvrira le pouvoir à travers l'expérience du temps. L'homme découvrira le pouvoir à travers l'expérience du temps qui ne coïncide pas avec le temps qu'il voudrait. L'homme découvrira le pouvoir lorsqu'il aura fait sauter en lui l'inquiétude. L'homme découvrira le pouvoir lorsqu'il aura fait sauter en lui les aspects psychologiques de son ego qui ont toujours tendance à diminuer sa puissance lorsque le mur de l'obstacle est trop haut pour sa vision temporelle. L'évolution du pouvoir dans la conscience humaine supramentale se fera dans la mesure où l'homme sera capable d'exercer sa contenance, c'est-à-dire sa capacité de supporter le temps, c'est-à-dire supporter l'esprit. Lorsque l'homme supporte le temps, il supporte l'esprit. Lorsqu'il n'est pas capable de supporter le temps, il astralise l'esprit. Lorsqu'il astralise l'esprit, il perd conscience, donc il s'assujettit à des personnalités, à des entités dans l'astral qui utilisent son mental pour lui faire croire toutes sortes de choses afin que lui, sur le plan matériel, perde le contact effectif avec son double. Les jeux de la vie sont très occultes, les jeux de la science du mental sont très occultes, les jeux de l'esprit sont extrêmement intelligents et les jeux de l'ego sont parfaitement ignorants de la puissance créative de l'esprit, de la présence éternelle de l'esprit, de la permanence de l'esprit dans l'homme et du fait que l'homme, qui a déjà de l'esprit, n'a plus à s'inquiéter de la présence et du support de l'esprit en lui. Lorsque l'homme n'est pas conscient de la présence de l'esprit en lui, lorsqu'il n'est pas conscient du rôle que joue le double dans la manifestation de son intelligence, lorsque l'homme n'est pas conscient des lois occultes du mental, il est normal qu'il soit assujetti au découragement lorsque les forces de la vie s'acharnent contre lui. Mais ceci fait partie de son karma planétaire. Mais lorsque l'homme devient conscient de l'esprit et qu'il commence à se libérer du karma planétaire, qu'il commence à vivre de la présence de l'esprit en lui, il n'a plus de raison de subir des pensées qui ne sont plus réelles. Il n'a qu'à prendre une distance de ses pensées et de se mettre dans le silence astral de sa conscience. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre est une évolution à grande échelle. C'est une évolution qui commence aujourd'hui par l'homme et qui deviendra demain l'expression de toute une humanité. Mais pour le moment, l'homme qui déjà est le vase à l'intérieur duquel se fixe ou doit se fixer l'esprit, la lumière, cet homme doit prendre conscience qu'à partir du moment où l'esprit est actif à travers son mental, à partir du moment où il est capable, à un certain niveau, de sentir sa vibration il n'a plus à s'inquiéter de la vie. Évidemment, ceci n'est pas facile parce que l'homme n'a pas vu. Ceci n'est pas facile parce que l'homme est un être empreint de mémoire, empreint de failles, empreint de mauvaises expériences. L'homme est un être qui a voulu croire, mais qui a été constamment bousculé dans ses croyances. Donc, il est évident que l'homme nouveau ne peut pas être facilement amené à vivre une relation vibratoire étroite avec son esprit sans pour cela vivre de temps à autre une défaillance dans le mental. Mais il est important qu'il réalise éventuellement avec le temps que la présence de son esprit est une permanence en lui, que la présence de son esprit, une fois qu'elle est perçue, ne peut plus diminuer, s'éclipser. Mais dans la mesure où cet esprit fait partie de sa réalité et non pas simplement des fantaisies occultes de son mental, assoiffé de l'invisible et assoiffé d'un pouvoir que l'invisible ne veut pas lui donner aujourd'hui parce que justement il n'a pas atteint le plein stade de sa maturité, c'est-à-dire cette étape dans l'évolution de l'homme où il lui sera impossible de défaillir lorsque le temps ne sera pas venu pour qu'il puisse cueillir les fruits de la relation entre l'esprit et son intelligence. Pour que l'homme bénéficie de la présence de son esprit, il lui faut prendre conscience de la permanence de l'esprit en lui à partir du moment où les clés de la conscience universelle lui ont été données. À partir du moment où l'homme a commencé à connaître les lois occultes du mental, déjà il a commencé à connaître les lois de l'esprit, déjà il a commencé à connaître les jeux de l'ego. Déjà, il a commencé à comprendre les jeux de l'astral et déjà, il est prêt à comprendre les lois de l'esprit. Et lorsque l'homme comprendra parfaitement les lois de l'esprit, il sera suffisamment versé dans la science du mental, dans la science de l'énergie, pour ne plus défaillir lorsque les événements ne coïncideront pas parfaitement dans un temps avec ce qu'il veut. Et lorsqu'il aura passé ce stage, les événements coïncideront de plus en plus avec ce qu'il veut. Et le vouloir deviendra le pouvoir et l'homme ne souffrira plus de survie sur le plan matériel. L'homme deviendra un être extrêmement créatif, un être en évolution de conscience rapide, un être en voie de construction rapide sur le plan matériel. Mais cette construction sera toujours le produit de l'action de son intelligence créative à travers l'ego devenu transparent. Dans la mesure où l'homme manquera de transparence, il y aura une objection de l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas permettre que, sur le plan matériel, ses forces soient utilisées astralement par l'homme inconscient ou incapable de vivre le rythme de l'esprit. Donc, dans la configuration de l'esprit, de l'ego et du temps, il existe une loi que l'homme nouveau comprendra au fur et à mesure où il s'exercera à supporter le temps de l'esprit. Il existe une loi où la conscience de l'esprit deviendra une avec la conscience de l'ego, et où la conscience du temps deviendra une avec la conscience de l'ego, de sorte que l'esprit pourra prendre tout le temps dont il a de besoin pour créer sur le plan matériel les conditions événementielles nécessaires à la structuration psychique du moi créatif de l'homme. C'est dans ce sens que l'homme apprendra à découvrir que les lois du temps sont les lois de l'esprit et non pas simplement des pièges pour que lui souffre pour rien. L'homme conscient ne souffre pas pour rien, il souffre pour quelque chose, et plus il évoluera vers une conscience intégrale, plus il intégrera l'énergie, moins il souffrira, plus l'esprit sera en lui, capable de se manifester créativement à travers l'ego, et plus l'homme verra le temps ou les événements rattachés au temps devenir courts, devenir rapides, et se développer d'une façon linéaire, mais créative, coïncidant parfaitement avec sa volition, donc avec son pouvoir. Mais l'esprit ne donnera pas à l'homme aucune lumière sur le plan matériel tant qu'il n'aura pas bénéficié parfaitement de sa relation avec lui. Et pour que l'homme bénéficie de sa relation parfaite avec lui, il faut que l'homme puisse supporter l'énergie du temps que l'esprit crée afin de perfectionner ses corps subtils, afin de perfectionner sa réceptivité, afin de le rendre réellement incapable de faire une erreur à partir de l'ego. Ceci représente pour l'évolution de la conscience humaine une très haute conscience, une très grande intelligence, une très grande maturité, un très grand lien avec l'esprit. Tant que l'homme ne possédera pas ce lien, il ne pourra pas savoir réaliser ce que veut dire le lien universel. Il ne pourra pas réaliser que la foi universelle et le lien universel sont un. Il ne pourra pas réaliser que le lien universel, s'il n'est pas qualifié de foi universelle, ne représente qu'un attachement psychologique ou psychique à une forme de connaissance de l'invisible. Et quelles que soient les connaissances que l'homme ait de l'invisible, s'il n'est pas capable de les appliquer d'une façon catégorique sur le plan matériel, il demeure un philosophe de l'inconnu, il demeure un philosophe de ce qui est connaissable, il demeure un philosophe de ce qui est invisible, mais il n'est pas un maître de l'énergie, il n'est pas un être de lumière, il n'est pas un représentant sur le plan matériel de la fusion entre l'esprit et l'ego. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre demandera que l'homme, avec le temps, partage d'une façon sans équivoque l'énergie que l'esprit lui donne avec la sensibilité dont lui est doué pour la recevoir. L'homme sera forcé d'en arriver un jour à posséder une conscience inaltérable, une conscience sans faille, une conscience monolithique, une conscience qui ne peut pas briser, se fracturer, se diviser lorsque les événements ne coïncident pas dans le temps comme il voudrait qu'ils coïncident. Cette illusion de l'homme est nécessaire parce qu'elle lui permettra finalement de se renforcer. Elle lui permettra finalement de réaliser jusqu'à quel point l'esprit est occulte et dans un même temps jusqu'à quel point l'esprit est présent et concret. Tant que l'esprit demeurera occulte pour l'homme, c'est parce qu'il n'aura pas suffisamment intégré son énergie. Plus il intégrera son énergie, plus l'esprit sera concret. Et plus l'esprit sera concret dans l'homme, plus le pouvoir de l'esprit sur la terre sera manifeste, plus l'homme sera créatif, plus l'homme sera dynamique et capable de transformer la conscience autour de lui pour un jour en arriver à transformer la conscience des nations. Les hommes qui ont commencé ou commenceront à travailler avec la conscience créative s'apercevront que le travail avec cette conscience créative n'est pas facile, mais qu'il est inéluctablement créatif à long terme ou à court terme. Ils découvriront que ce travail ne peut pas ne pas se faire. Ils découvriront que ce travail est inéluctablement relié à un aspect ou autre de leur conscience. Ils découvriront que ce travail fait partie de leur vie. Donc, ces hommes pourront commencer à bénéficier du mouvement de l'esprit à travers l'ego. Mais tant que l'homme n'aura pas commencé à s'impliquer créativement dans le travail, tant que l'homme n'aura pas commencé à comprendre la relation entre l'esprit et l'ego sur le plan matériel, il sera obligé de travailler avec les outils qui font partie de son évolution, c'est-à-dire avec les outils qui font partie de son évolution accélérée à un stade évolutif de conscience en évolution, et il découvrira qu'il a besoin de beaucoup plus que ceci pour œuvrer sur la Terre et pour commencer à se sortir de la survie. Pour que l'homme se sorte de la survie, il faut qu'il brise les lois de la survie. Et les lois de la survie sont reliées à l'activité incessante des planètes. Les lois de la survie sont reliées à l'activité incessante des positions planétaires qui constamment créent dans le champ d'expérience de l'homme des obstacles, mais des obstacles qui, en eux-mêmes, sont des illusions. C'est à travers les illusions astrologiques créées par les planètes que l'homme transmutera sa relation avec l'énergie. C'est à travers ces obstacles que l'homme découvrira son pouvoir, qu'il verra que le vouloir devient le pouvoir. Mais avant que l'homme puisse en arriver à ce stade de l'évolution, il sera obligé de se démasquer devant lui-même, c'est-à-dire réaliser jusqu'à quel point il est faible, jusqu'à quel point son lien universel est encore de l'ordre philosophique, jusqu'à quel point ce lien universel ne fait pas partie de sa fusion, jusqu'à quel point ce lien universel n'est pas et ne représente pas une foi universelle. La foi universelle de l'homme, c'est sa capacité d'intégrer l'énergie, c'est-à-dire de supporter le mouvement de l'esprit à travers les événements. Ce n'est pas une attitude mentale, ce n'est pas une attitude spirituelle, c'est une capacité intégrale de supporter le temps à travers le mouvement, supporter l'esprit en lui de la lumière, qu'il y a en lui de la continuité, qu'il y a en lui de la permanence, et qu'il ne peut pas y avoir en lui de mouvement l'amenant à un arrêt de conscience créative. L'homme sera alors allégé dans la vie. Il sentira que l'énergie le supporte. Il sentira qu'il est supporté par l'énergie. Et il verra que cette énergie se manifeste dans son temps et que lorsqu'elle se manifeste, elle est pleine, elle est parfaite, elle est grande, elle est belle et que l'homme n'a pas à n'en douter l'existence au-delà de l'espace-temps. L'homme découvrira que la conscience créative fait partie de l'évolution de l'esprit dans la matière. Donc, il découvrira que dans la mesure où l'esprit descend dans la matière, la conscience créative grandit et l'ego cessera de se sentir affecté par les événements. L'ego développera une très grande patience et cette très grande patience lui permettra finalement d'utiliser tous les événements, toutes les contradictions afin de créer dans la vie le nœud, c'est-à-dire la capacité de dépolariser l'énergie. En utilisant l'énergie négative et l'énergie positive et en amenant ces deux forces ensemble, l'homme créera le nœud cosmique de sa conscience, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'énergie de l'esprit et son mental égoïque transparent. Dans l'évolution de la conscience supramentale, chaque être humain sera demandé, amené à créer le nœud, c'est-à-dire à faire la rencontre, à joindre les aspects négatifs et positifs de sa conscience pour bénéficier de la synthèse de l'énergie et en arriver un jour à ne plus jamais pouvoir douter de la présence de l'esprit dans son mental, c'est-à-dire pour en arriver un jour à ne jamais douter qu'ils sont des fils de la lumière ou qu'ils sont le produit, la conséquence du lien universel sur la Terre. Ces êtres auront une foi universelle, une foi qui en elle-même sera absolue, non pas parce qu'elle sera le produit d'une très grande vocation spirituelle, mais parce que l'homme aura réalisé que dans la mesure où l'esprit est en lui, sa créativité est permanente et infaillible. L'homme regardera en arrière, il regardera sur les traces de son évolution, il regardera sur les traces de sa souffrance et il verra que tout ce que l'esprit fit au cours de son expérience évolutive fut nécessaire à la transmutation de ses corps et que ce que l'esprit aujourd'hui ou demain lui donnera sera l'attribut normal de ses besoins, sera l'attribut normal de sa conscience, sera le produit naturel et cosmique de ce lien entre l'invisible et la matière que tous les hommes ont souhaité depuis des millénaires, mais que les hommes aujourd'hui remettent en question parce qu'ils ne sont pas arrivés suffisamment loin dans l'extinction de leur conscience planétaire, dans l'extinction du pouvoir karmique de l'âme sur l'ego, dans l'extinction de l'astralisation de leur pensée subjective, primitive et parfaitement ignorante.